Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Olivier Ranoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et interprète d'un spectacle qui a pour titre « Envahisseur » au pluriel, et c'est du théâtre d'objets non identifiés. Avant de parler de la forme, on va parler peut-être du fond, une question qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre, particulièrement depuis notre enfance. La Terre est-elle la seule planète à abriter la vie humaine ? Vous, vous y apportez une réponse, ai-je lu, à pouvoir faire pâlir le plus malin des Martiens. Ça, c'est une manière directe. Eh bien oui, effectivement, nous ne sommes pas seuls. On doit être même beaucoup, je pense, beaucoup d'autres vies ailleurs. Et donc, voilà, moi je m'amuse justement à reprendre un peu toutes ces histoires, tous ces films aussi, beaucoup. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est la filmographie, surtout la vieille filmographie des années 50-60, sur ces histoires d'invasion extraterrestre. Alors oui, vous parlez direct d'invasion extraterrestre parce que la question n'est pas de savoir seulement s'il y a une autre vie sur une autre planète, mais là, vous nous faites participer à un véritable débarquement sur notre planète de ces petits hommes verts, c'est ça ? Oui, exactement. Alors je reprends un peu une histoire tout en théâtre d'objets et l'idée, voilà, c'est de faire intervenir des petits hommes verts qui arrivent sur Terre et après, il faut venir voir le spectacle pour savoir comment ça se passe. Pour l'humanité. On se retrouve, dit-on, dans une ambiance de film de science-fiction des années 50. Si je situe cette période-là, c'est aussi peut-être lié à une série mythique des années 70 qui s'appelait elle-même Les Envahisseurs. Est-ce que on est un peu dans ce climat, dans cette tension ? Oui, il y a celle-ci, il y a pas mal La Guerre des Mondes, oui. Aussi. La première version de 51 ou 53, 1951 ou 1953, je ne sais plus. Il y a aussi, dans les films qui m'ont pas mal marqué, il y a Le jour où la Terre s'arrêta. Mmh. Et puis il y a le film Mars Attaque, en fait, qui justement reprend un peu tous ces clichés du film d'invasion extraterrestre qui sont un peu condensés aussi dans ce film. Alors, voilà, en gros, mes références. L'idée de ce spectacle, c'est qu'avec des objets ordinaires, vous nous proposez finalement de nous faire partager des événements extraordinaires. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que j'ai envie. Tout se passe sur une table, qui fait à peine 2 mètres carrés. Et l'idée, c'est de recréer sur ces 2 mètres carrés les mêmes effets spéciaux, les mêmes effets, mais en petit et en minuscule et avec beaucoup moins de moyens que le cinéma américain, oui, par exemple. Mais une manière de nous inviter à avoir le même imaginaire face aux situations que vous allez nous proposer. Oui, voilà, c'est que ça fonctionne autant que d'employer des gros moyens que de plonger le spectateur dans un spectacle intimiste comme est l'Envahisseur. Alors, théâtre d'objets, ça signifie effectivement ce petite jauge en termes de spectateurs, parce qu'il faut être au plus près de l'action. En tout cas, pour ce spectacle, moi, comment je l'appréhende, effectivement, il y a des petits objets, donc il faut être assez proche, ouais. Donc effectivement, ça limite la jauge à une cinquantaine de personnes. Et là, pareil, ces différentes scènes, on parle d'une invasion d'extraterrestres, on parle de destruction des principales capitales mondiales, tout cela mis en scène effectivement avec des effets spéciaux, de la musique en particulier. Ouais, après j'ai fait appel effectivement à un musicien pour travailler la bande son, les bruitages, et puis et après effectivement après dans le voilà il y a toute une histoire qui se raconte au travers des objets et qui fait voyager dans des univers un peu étranges. Alors sans dévoiler évidemment la fin du spectacle, cela dit, est-ce que notre humanité est menacée dans cette affaire ? Ouais. Ouais, je crois que c'est pas très bon. C'est pas très bon. Non, je suis désolé. Quelle est la difficulté que vous avez pu rencontrer peut-être pour réaliser un tel spectacle ? Parce qu'effectivement, entre l'idée de création au départ et la réalisation, parfois, on se heurte à quelques difficultés peut-être techniques. Est-ce le cas pour vous ? Est-ce que vous avez pu traduire par l'ensemble de ces objets que vous avez peut-être même dû inventer ? Ouais, bah voilà, j'aime bien moi le ce qu'on peut appeler la bidouille, c'est-à-dire démonter, remonter les objets, voir ce qu'il y a dedans, et pouvoir les réutiliser pour d'autres choses après. Donc c'est un spectacle assez, on va dire, technique, en petite bidouille, en petit effet. Donc ouais, effectivement, il y a ce qu'il faut. Après, voilà, la difficulté, il y a tout le temps des petites difficultés pour trouver des solutions à des idées qu'on a, mais voilà, sans. En tout cas pour ce spectacle, rien de fâcheux. Spectacle qui a déjà été vu par de jeunes spectateurs, quelles ont été leurs réactions une fois le spectacle terminé? Ils sont venus vous voir, vous avez partagé un peu leurs sentiments, leurs émotions? Bah écoutez, ouais, ça se passe plutôt bien, après ça joue un peu sur la peur quand même, pour les plus jeunes d'entre eux, et voilà ce qui moi me plaît bien quand ça joue en tout public, voilà, quand il y a et qu'il y a des enfants, des adultes, familiales, c'est que voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et voilà, l'adulte, il retrouve son compte autant que l'enfant. Et voilà, ça donne une dynamique de séance qui est plutôt chouette. Voilà. Moi, je suis assez content de comment ça fonctionne, en tout cas, avec le public. Belle confrontation entre les humains et les extraterrestres, alors, autrement dit. Oui, voilà. Bah, belle, je sais pas trop, mais il y en a une, ouais. Très bien. Spectacle qui dure quoi? Une trentaine de minutes pour le spectateur? À peine, ouais, 25 minutes. Mm-hmm. 25 minutes, voilà. 25 petites minutes. Bon, eh bien, ça s'appelle Envahisseur au pluriel. C'est à voir donc à partir, pour tout public, à partir de 7 ans. Le spectacle est proposé en spectacle tout public le mardi 3 mars à 19h30. Et la veille, il y aura une séance en milieu scolaire. Tout ceci étant proposé à la Maison de la Châle à Éragny-sur-Oise. Et c'est donc à l'affiche de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Merci à vous, Olivier Ranoux. Oui, ben merci à vous aussi. Merci.